إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc je dis à nous pas commencer cinquième cours et inshallah on va continuer ça nous est commencé dans le livre là qui est le livre de Cheikh Abdul Aziz bin Baz qui était ancien mufti de l'Arabie Saoudite. Il a écrit le livre ça qui est l'aqidatu sahiha wa ma yudaduha, c'est-à-dire la bonne croyance et ça qui opposait lui. Donc ça nous est commencé à expliquer dernière fois à la fin, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnez-nous pour nous croire dans toute salité, enseignez-nous dans révélation lui. Et les cheikhs ont explication au sujet de la foi et lui expliquer que Ahlus Sunnah wal Jama'a, je crois que la foi c'est composé de paroles et d'actions et une croyance, et l'augmenter et les diminuer, et que péché, ça pas qu'à faire sortir de l'islam, hein, il est toujours musulman. Mais tant que il reconnaît que ça l'a fait les haram, hein, il pas essayé rendre bagaille la halal, il pas essayé déclarer péché à halal, ou pas qu'à dire que nous n'avons sorti de l'islam. Sauf s'il fait un acte de kouf, ou en parole, ou en croyance de kouf, ou bien en shirk. Kounia, nous pourrons continuer dans la même ligne ça, Inch'Allah, et nous pourrons commencer à expliquer suite là. Et en même temps, demander Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter compréhension nous. Dans le livre ça, et pour le guider nous, pour le faire nous comprendre tout ça que nous pas connaît, tout ça que nous pas comprendre dans la religion, et en même temps demander pour Allah subhanahu wa ta'ala fait que l'islam qu'a entré dans tout côté, dans tout pays, dans toute ville dans le monde, en Haïti et ailleurs également. Et pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide le peuple haïtien à l'islam, de même que tout l'autre peuple qui peut comme musulman, que lui montre la réalité de l'islam. Et nous espérons que si effort ça que nous fait, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait fructifier, inshallah, qu'elle a fait la baille en bénédiction pour le cas atteindre tout le monde, inshallah, qui besoin d'apprendre religion, parce que son livre qui explique fortement l'islam. Bien entendu, bon, grand pile travail pour nous faire, mais inshallah, espérer que Allah subhanahu wa ta'ala va nous succès pour nous continuer dans le travail ça, inshallah. Donc Cheikh Lindy, ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذر مثقال حبة من خردل من إيمان ومن الإيمان بالله الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم ويبغض الكفار ويعاديهم وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق على صحته ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين وبعدهم بقية العشرة ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويعتقدون أنهم في ذلك مجتهدون من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ويحبون أهل بيت رسول الله المؤمنين به ويتولونهم ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويرتضون عنهم جميعا ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويغلون في أهل البيت ويرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل كما يتبرؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. Donc nous allons expliquer passage ça, inshallah. Cheikh l'a dit que en même temps la continuer ça nous t'ai commencé dernière fois, hein, nous t'ai expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala allait pardonner tout péché à Oumoun excepté le shirk. Et nous allons expliquer passage ça, c'est un verset que Cheikh l'a mentionné dans Surat An-Nisa, le verset 48. الله دي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ممكن نتتمينا avec verset ça la dernière fois. Donc verset ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala lui pas pardonné que on fait shirk avec lui dans l'adoration, mais lui pardonné tout autre péché, hein, tout péché qui moins que shirk, hein, lui pardonné à qui il voulait. À moins que lui voulait. Donc, si. Il signifiait que si un monde musulman n'est pas fait kufr, n'est pas fait shirk, Allah subhanahu wa ta'ala, si moun sa mouri, pendant qu'elle a fait un grand péché, par exemple, moun note qu'on fait un péché, comme par exemple, Negla. On m'a tué un autre monde, ou bien les voler, ou bien les boire l'alcool, ou bien les manger viande cochon, ou bien les font l'autre parmi l'autre grand péché, fait adultère, fornication. Si mon a mouru sous péché ça, puis que l'époque repentit avant de mourir, bon, s'il mourit comme ça, étant donné que mon n'a pas fait shirk, il n'a pas adoré l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait shirk, il n'a pas fait kufr, c'est-à-dire il n'a pas renié en rien dans la religion, il n'a pas dans la religion, sauf que l'été qu'on fait péché, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens ont mouru comme ça, nous a dit que l'inan volonté Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, au jugement dernier, il pourra le faire avec lui, ça le voulait, c'est-à-dire que s'il voulait pardonner lui, par miséricorde, il va le pardonner. Et s'il voulait punir, il va le punir par justice. Hein? Mais, Mounsa, étant donné qu'il était croyant, il n'a pas fait shirk ni kufr. Donc, Mouna, même si Allah punit et puis même s'il est entré dans l'enfer, il n'est pas pour aller éternellement en enfer parce que il n'est pas associé l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas renié en rien en religion. Donc, il pourra le sortir quand même, c'est peut-être ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit que il n'est pas pardonné au monde qui fait shirk. C'est-à-dire que si au monde, dans la vie, elle était en vie, dans la vie, il était qu'on fait shirk, il est associé avec Allah, ou bien ligné Allah subhanahu wa ta'ala, ligné prophète Lio, ligné Zangio, ou bien l'autre article de la foi, eh bien, Mounsa, s'il est reparti avant de mourir, puis qu'il a accepté la foi, bon, Mounsa, son croyant lié, mais si Mounsa mourit sur le shirk, il a mouru pendant que les croient dans le shirk ou bien les croient dans le coffre, la fait un bagage qui coffre ou shirk, si Mounsa mourit comme ça, eh bien, il n'est pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas le pardonner parce que c'est lui mourir pendant que lui mourir dans un état que l'a fait shirk ou kufr et ça sont bagages que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas jamais pardonné. Donc tout le monde qui mourit sous croyance shirk ou kufr, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas le pardonner. Ça c'est le principe là. Mais un monde qui fait simplement un péché mais qui pas qui pas te qu'on fait shirk ou kuf, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va pardonner les s'il voulait, ou bien même s'il punit les papes garder en enfer éternellement, tandis que au monde qui était mort sous le shirk ou le kuf, eh bien il va le rester en enfer pour l'éternité éternellement, les papes jamais sortir de l'enfer parce que il était qu'on associé avec Allah subhanahu wa ta'ala et il était qu'on renier la vérité. Donc ça c'est à propos de verset A, puis de ça nous t'ai expliqué dernière fois. Après ça, Cheikh l'a dit que qu'un pile hadith tout qui rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui très très nombreux, qui était mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala pas le fait sorti de l'enfer tout le monde qui gagne en cueillir on atome ou on graine, on petit graine foi. N'importe qui monde qui a une petite graine foi dans le cœur de tawhid, c'est-à-dire yo gain une petite graine foi dans le cœur, yo pas de fait shirk, yo pas de fait kufr, yo pral sortir de l'enfer. Le prophète là te dit ça dans un pile hadith qui est authentique, il mentionnait que Allah pral sortir de l'enfer tout le monde qui te gain un minimum de foi, une quantité. D'un coup, il mentionnait Habbatu Khardal et Habbatu Khardal qui s'allient son graine moutarde. Donc, tout le monde qui compte graine moutarde, un petit graine foi, Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire, il est sorti de l'enfer. Il n'est pas prêté en enfer éternellement. Ensuite, Cheikh l'a dit que parmi les bagayos qui composaient la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et il faut détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut associer avec moun pour Allah subhanahu wa ta'ala et il faut dissocier avec moun pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ou aimer en moun ou aimer ou supposer aimer parce que les aimer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et les suivre prophète. Et ou supposer, opposer ou détester au monde si ou est que monde détester Allah subhanahu wa ta'ala et lui désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le ou aimer, c'est pour Allah, le ou détester, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour un bagage intérêt matériel dans la vie seulement que ou supposer aimer monde. Non, ou supposer aimer au monde pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, Allah a aimé, faut aimer lui. Si son croyant oui, vous supposez aimer ça Allah aimer. Et si vous détestez, si vous croyant, vous supposez détester tout ça que Allah subhanahu wa ta'ala a détesté. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit nous dans la révélation dans le Coran, et le prophète la même dans la Sunna, lui mentionne nous ça Allah aimer, ça Allah pas aimer. Donc tout ça qui est halal, qui est bon, Allah aimait, tout ça qui est haram, qui est interdit dans l'islam, ou qui est kufr, ou shirk, ou péché, ou bid'ah, Allah déteste-t-il. Et donc, vous supposez détester tout le monde qui opposait la vérité, et vous supposez aimer tout le monde qui défend la vérité, le tawhid, l'islam, la foi, les prophètes, hein, toute bagage. Ça, c'est son principe fondamental dans la foi, dans l'islam. Donc, Cheikh Nad dit que vous supposez aimer croyant, yo, hein, le croyant, son monde qui aime croyant, yo, et qui allie avec yo, et qui déteste koufar, qui déteste monde qui pas croyant, et qui oppose, et il est supposé opposer yo tout. C'est-à-dire que, on moune pas qu'à dire son croyant lié, et puis l'a supporté, l'a défendre, l'y remet ennemi, Allah subhanahu wa ta'ala, et l'y remet monde qui pas croit dans Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait shirk. Mais, on moune tout, là, on moune dit que son croyant lié, il est supposé aimer monde qui remet Allah subhanahu wa ta'ala, et qui musulman. Ça, c'est un principe très important que Allah t'a expliqué même dans le Coran, dans le pile verset, il mentionnait que nous supposons prendre pour allier, nous supposons allier avec croyants. Et que les hommes opposés à Allah et messager, et bien nous supposons opposer les, même si c'est plus proche dans la famille, plus proche de parmi mon famille, nous, hein, même si son passé, même si c'est vos pères, vos frères, vos familles, si dans la famille nous avons des gens qui opposent l'islam, opposent la vérité, nous ne pas supposer supporter eux et allier avec eux. Ça c'est un principe très important que, bien entendu, nous cherchons pas à élaborer plus, mais il y en a. Gain l'autre détail que nous avons dit sous question ça, nous quittons pour l'autre coup que dans l'avenir, Inch'Allah, peut-être nous pourrons le faire, Inch'Allah. Donc, ensuite, Cheikh Nad dit que, à la tête de croyants, nous supposons aimer compagnons prophètes, là. Ça, c'est parce que c'est eux-mêmes qui étaient premiers croyants, yo. Donc, compagnons prophètes là, sallallahu alayhi wa sallam, nous supposons aimer eux en premier parce que c'est eux-mêmes qui étaient croyants dans l'islam au début. Et donc, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous qui croyons dans la Sunnah et qui réunis sur la Sunnah, ils ont aimé, ils ont allié et ils croient que compagnons prophètes, c'est eux-mêmes qui étaient plus bons moun après prophètes. Parce que le prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit que, puis bon monde, c'est génération li, puis génération qui suivent ça, qui suivent génération yo, puis l'autre génération après. C'est-à-dire que, meilleure génération, c'est génération prophète là, puis l'autre génération qui suivent li, puis l'autre génération qui suivent li après. Donc c'est trois générations que le prophète l'a mentionné, qui dit que c'est lui-même qui est plus bon moun après lui. Ensuite, il mentionnait que faut nous croire que parmi compagnons, le plus bon compagnon, c'est premièrement Abu Bakr As-Siddiq. C'est le premier monde qui était croyant dans l'islam. Ensuite, Omar ibn al-Khattab, premier Abu Bakr Siddiq, c'est lui-même qui était premier monde qui était croyant dans l'islam, et en même temps, c'est lui-même qui était premier successeur prophète là. Après prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mourit, c'est lui-même qui prend, responsabilités pour le diriger musulman par la suite. Ensuite, l'autre deuxième compagnon qui est plus bon compagnon, c'est Omar ibn al-Khattab, ou bien Al-Farouq, Nourel Al-Farouq, tout son lot surnom que le gain, Omar Al-Farouq, ou Omar ibn al-Khattab, Al-Farouq. Et c'est lui-même qui était deuxième succès ce prophète-là. Après, y a un troisième qui relait Othman ibn Affan. Et il y aurait, nous relait Zunnourain. Hein? Zunnourain, qui ça le signifiait? Il signifiait monde qui gagne deux lumières. Et pour qui ça y aurait l'aile comme ça? C'est parce qu'il était épousé deux dans petite prophète là. Il était épousé deux filles prophètes, parmi filles prophètes, prophètes là, donc, il y aurait l'aile Zunnourain. Ensuite, donc, c'est lui-même qui était troisième succès, ce prophète-là. Ensuite, bon, l'autre compagnon qui est Ali ibn Abi Talib. Et lui-même, c'était neveu prophète-là. C'est lui-même qui était marié avec une petite prophète-là. Donc, lui-même, c'était lui-même qui était quatrième succès, ce prophète-là. Et c'est lui-même qui est quatrième plus bon compagnon. Là. Et nous faut nous satisfaire de tout prophète, yo. Et Cheikh Landi radiallahu anhum ajma'in, que Allah satisfait de tout. Ensuite, il dit, puis ensuite, après quatre ça, yo, gagnons l'autre, ça nous relie les dix, hein, les dix. C'est-à-dire que gagnons dix compagnons, mais gagnons l'autre tout, mais bon. Dix qui plus connu, yo. C'est 10 compagnons que le prophète là t'est garanti ou t'est dit que il aura l'entrée au paradis. Il était mentionné littéralement que il tapera l'entrée au paradis et il mentionnait non yo. Donc 10 ça yo nous les yo al-mubashirin bil janna. C'est-à-dire que 10 compagnons parmi les compagnons que le prophète là t'est annoncé yo, déjà avant même que yo mouri, il était annoncé yo que yo pourra entrer au paradis. Donc nous relayo al mubashirina bil janna. Ensuite faut nous remettre tout l'autre compagnon prophète là sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, il mentionnait un autre point important, c'est que tout problème qui t'est arrivé entre compagnon yo après mon prophète là sallallahu alayhi wa sallam, faut nous kebe bouche nous de sacter rivéo, hein, nous pas entrer dans parler sous sacter rivé entre compagnons yo après mon prophète là, parce que t'es arrivé en pile situation qui était difficile, yo t'es gain guerre qui t'est arrivé entre certains compagnons yo après, mais nous pas supposé commencer entrer dans ça que t'es arrivé après pour commencer à parler sous un compagnon, à parler contre un autre. Non, nous pas supposé faire ça. Ça sont un signe d'égarement, là où on commence à faire ça. Parce que faut nous croire que tout compagnon, yo, là, yo, fait ça, yo, t'es fait. Là, ça, yo, t'es fait, hein, c'est parce que yo, t'es gain en bonne intention. Yo, t'es, ça nous relève mujtahidoun, hein. Ça, mujtahidoun, vous l'avez dit. C'est monde qui te gagne au niveau de science et de compréhension de l'islam, que yoka arrivé, yoka analyse les situations avec connaissance que yoka gagne de l'islam, dans texte, dans le Coran, dans Sunna, et yoka analyse les situations pour yoka qui gagne, pour yoka appliquer verset et religion dans différentes situations qui difficiles. Les pagans ont texte qui très clair sur une situation, il doit analyser la situation avec quelques règles et principes que Allah t'a expliqué avec le prophète là, et il doit analyser la situation pour appliquer un verdict sur la situation. Nous sommes les mujtahidoun, c'est-à-dire que les gens qui font effort pour atteindre la vérité. Et étant donné qu'ils arrivent devant certaines situations, ils ne connaissent pas toujours. Connaît qui j'en peux réagir, yo analyser situation et yo essayer d'établir un verdict ou un jugement pour yo connait qui j'en peux agir dans différentes situations yo, et ça cap pi bon pour musulmans yo. Et bien entendu gain des fois que on moun pral faire un effort pour atteindre la vérité en ijtihad, et puis que li pral gain bon réponse, un bon conclusion, que le prophète fait une bonne analyse, et que le bral gagne une réponse qui positive, qui bon, en accord avec révélation, mais gagne des fois que il y a qu'à tromper et tout, et il y a qu'à faire une erreur parce que c'est être humain, il n'y a pas infaillible. Donc, prophète l'a dit que si on fait on analyse ou un effort pour joindre la vérité, puis que c'est pas n'importe qui monde, non, c'est un monde qui gagne en science, qui gagne connaissance de l'islam, qui atteint un niveau élevé dans la connaissance là, c'est, si monde ça fait un effort pour connaître la vérité, et puis que le joindre une bonne réponse là, bon, Allah va le bailler deux récompenses parce que les fait un effort puis lui joindre une bonne réponse là. Toutefois, s'il fait une erreur, eh bien, Allah pas de punir, il va le pardonner lui pour ça, puis lui pas le bailler en récompense en même temps parce que lui pas bailler deux récompenses, mais il va le bailler juste une parce que au moins il fait un effort. Même s'il n'a pas joué une bonne réponse là, mais au moins ils font un effort. Donc, ça c'est la position que nous gagnons par rapport à compagnon, par rapport à ce qui est arrivé entre compagnon après mon prophète là. Sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit que nous remets Ahlul Bayt Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qui était coin dans lui. C'est-à-dire, Ahlul Bayt, nous pas le temps des. Expression ça en pile, parce que qu'est-ce que ça signifie Ahlul Bayt, il signifiait proche famille prophète là, sallallahu alayhi wa sallam. Famille prophète là, qui était bien en lien direct avec lui, dans la famille. Donc, ça nous relève Ahlul Bayt. Et Ahlul Bayt, si nous traduisons textuellement, qu'est-ce que ça veut dire Moun lakay, hein, moun lakay, lakay prophète là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est moun ki nan kay li, qui était avec lui, ou bien qui proche lui, dans la famille, qui a un lien de sang avec lui. Donc, yo rele yo Ahlul Bayt. Et nous voyons, gen pile moun qui utilisait expression ça, mais d'une façon qui est incorrecte. Ok? Parmi, par exemple, parmi soufi, parmi chiite yo, secte chiite yo, que yo rele Rafida, hein, chiite yo, ça, des fois, yo gen pile non, moun sa yo chiite yo, nous rele yo Raf, nous rele yo Rafida, parfois yo bay tet yo on l'autre nom, des fois yo rele tet yo Ja'fariya, des fois yo rele tet yo Imamiya, des fois yo rele tet yo Ithna Ashriya. Hein? Mais c'est tout même Mounio, c'est un secte égaré qui est Rafida, Shia Rafida, parmi Shiites. Donc Mounio, il a toujours à parler de Ahlul Bayt. Et ça, il a essayé de faire Mounsayo, qui est égaré, c'est qu'il a glorifié si ne veut prophète là, Ali, et bien Abi Talib, ça qui était quatrième successeur prophète là. Sallallahu alayhi wa sallam, yo glorifié d'une façon exagérée. Même Jean chrétien yo t'ai fait avec Jésus, yo élevé d'une façon qui très dangereuse. Et en réalité, moun qui commençait à faire ça, son juif qui relait Abdullah ibn Saba. Et juif ça, qui relait Abdullah ibn Saba, et ben c'est lui-même qui commençait, fitna ça, qui commençait problème ça yo. Même Jean-Paul, t'es venu pour le diviser chrétien, pour commencer à égarer chrétien, hein. Paul, c'est un juif romain. Eh bien, juif Salim al-Abdullah ibn Saba, son juif yéménite, hein. Et il est venu pour le diviser musulman, après mon prophète, là. Il s'est fait même ça, même bagaille que Paul t'a fait avec chrétien, yo. Mais, alhamdulillah, il n'est pas réussi. Mais, il quand même réussi à égarer un bon nombre dans, parmi musulmans, yo. Donc, ça qui est arrivé, c'est que, il venait, puis il commençait à glorifier Ahlul Bayt, et il essayait de faire une distinction, ou une séparation, entre tout compagnon, et Ahlul Bayt. Pour laisser faire quoi, mounio, que, distinction, c'est pas une distinction, mais c'est une sorte de animosité, hein, entre compagnon, et, famille prophète là, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a essayé de faire, il a essayé d'inventer, il a menti que, on m'a dit que yo dit que compagnon yo les prophètes là mouri yo fait on yo yo commencé à agir mal envers femme prophète là yo pas bail femme prophète là droit yo et donc yo crappé yo kim yo vini yo essayé di moun yo que yo vini pour yo défendre droit femme prophète là ahlul bayt. Mais en réalité, bien entendu, c'est pas vrai du tout, son menti, yo bay, parce que pas gen un compagnon qui disons, détesté ou opposé à famille prophète là. Yo tout remé, croyant musulman yo qui n'a famille prophète là, et yo respecté yo. Et pas gen yon nan yo qui te raï ou qui te gen un problème avec descendant prophète yo ou bien famille prophète là. C'est juste que gen moun tant que juif ça Abdullah ibn Saba qui essaie de faire problème et qui essaie de diviser musulmans. Donc il y va avec histoire ça. Et puis yo gon paquet histoire menti que yo inventé à propos de compagnon yo, il a essayé faire moun yo raï compagnon yo et yo détester compagnon yo. Et en même temps tant que ça, Cheikh l'a mentionné, il dit que, faut nous remer Ahlul Bayt, donc tout musulman, que ce soit moun ki de Ahlul Sunnah, wal Jama, moun ki sunnit, hein, les gens de Ahlul Sunnah, ou bien, tout musulman en général, nous remer Ahlul Bayt et nous remet compagnons. C'est pas seulement nous remet Ahlul Bayt seulement, puis nous oublier ou nous rejeter compagnons. Non. Nous remet toutes compagnons et y compris Ahlul Bayt, nous respecter yo, nous remet yo et nous ba yo droit yo. Et nous pas exagérer à propos de Ahlul Bayt. Tant que shit yo. Là, yo parle de Ahlul Bayt, c'est même genre avec chrétien, là, yo parle de Jésus, yo commence à exagérer sur yo, yo adoré, yo en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, yo bon problème, yo prié, yo mandé, yo l'aide, hein, yo construit, mosquée sous tombe, yo, et y'a le prié, y'a le fait pèlerinage dans le tombe, yo. Tout bah, ça, yo, c'est innovation, c'est shirk, c'est bid'a que yo inventé. Et donc c'est monde qui est très égaré dans la religion. En Iran et au Liban, puis dans l'autre pays tout, ils ont tout réuni monde ça yo, puis il y a pas plein à l'égarement. Et même m'entendez que en Haïti, il a essayé propager croyance ça yo, puis grand pile dans l'autre pays musulman que il a essayé après les monde pour yo suivre compréhension yo qui dévié. Donc faut nous faire attention à mon salon. Donc nous-mêmes, tant que ce cher l'a dit, nous aimons famille prophète là, qui était croyant, et nous allions avec eux, et nous aimons également femme prophète, toute femme prophète là, toute épouse prophète là, faut nous aimer, sallallahu alayhi wa sallam, faut nous aimer parce que c'était les mères des croyants, hein, maman croyant, nous aimons. Ummahat al-mu'minin, les mères des croyants. Et nous satisfaisons yo toutes. Hein? Tandis que chez yo rawafid, les shia rafida, yo même yo insulté compagnon yo et yo insulté femme prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, et yo détesté compagnon prophète là et yo insulté yo, les yo prié, yo fait invocation contre yo et yo insulté yo. Et ça son bail qui fait partie de croyance, yo pas respecté des compagnons prophètes là, et yo exagéré à propos de famille prophète là, et yo insulté compagnons yo. Donc à propos de famille prophète là, ben qui ça yo fait, yo adoré yo fait en pile l'autre bagaille qui en contradiction avec l'islam au sujet de famille prophète là. Donc vrais musulmans, vrais croyants, yo désavoué de ça, chier tu as fait à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les yo exagéré avec yo, yo élevé yo dans une position que Allah pat mette yo, hein, et yo désavoué yo également de l'autre, en l'autre groupe qui les nawasib, hein, qui insultait famille prophète là, ou qui fait, qui essayait yo essayé fait famille prophète là mal, soit par la parole yo ou bien action yo. Donc nous désavouons nous de deux extrêmes ça. Ensuite Cheikh l'a dit que wa jami' ma dhakarna fi hadhihi al-kalima al-mujiza داخل في العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهي العقيدة التي يجب التمسك بها والاستقامة عليها والحذر مما خالفها. Donc qui ça Cheikh l'a expliqué Kounia, on va l'expliquer lui inshallah. Cheikh lui dit qu'il y a que tout ça que nous t'ai mentionné jusqu'à maintenant sont résumés, hein, qui entraient dans la croyance correcte, la bonne croyance à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croyance ça, c'est croyance ça que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné par l'intermédiaire de tout prophète Léo. Et c'est compréhension ça ou croyance ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'a mené à l'humanité. Et donc le Cheikh n'a dit que ces croyances groupent Sobeya parmi les gens de Ahl Sunna wal Jama'a. Et ça nous t'a expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire que bon groupe qui sauvé, c'est pas tout musulman qui est sous la vérité. Gain pile musulman qui déviait de vrai message l'islam. Donc, le prophète là, t'es averti nous de ça. Pour nous connaître que, gain musulman qui pral égaré, qui pral dévier dans vrai message l'islam. Donc, c'est peut-être ça, faut nous comprendre, bah, ça, comme il faut. Et donc, c'est peut-être ça que, faut nous chercher, groupe Sauvéa, et faut nous connaître, groupe qui relève Ahl Sunna wal Jama'a, par description, prophète sallallahu alayhi wa sallam t'es bail nous des groupes ça. Donc prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique que toujours pral toujours gain dans la nation, dans les croyants, dans les musulmans, dans l'umma, ça nous est l'umma, c'est-à-dire dans la nation musulmane, toujours pral gain un groupe sur la vérité qui pral victorieux. Et moun qui abandonné yo pas canui yo jusqu'à ce que yani jugement dernier établi, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, toujours pour quelqu'un groupe dans la umma qui absuive la vérité et qui victorieux sur la vérité. Et quand l'autre hadith que Cheikh l'a mentionné, son hadith qui dit que juif yo t'est divisé en 71 groupes et chrétiens ont été divisés en 72 sectes et musulmans umma, il dit ma umma pour être divisé en 73 sectes. Et le prophète l'a mentionné que tout parle en enfer excepté youn, tout parle en enfer excepté youn. Et compagnon au moment du prophète là sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah, ça qui c'est qui est-ce qui pral nan groupe qui pral nan paradis hein, qui sauvé a qui est sur lui. Et ben vous faites la réponse compagnon yo, et il dit c'est tout le monde qui suit ça m'a suivre moi-même de même que compagnon moi yo. Donc tout le monde qui suit ça prophète là a suivre de même que compagnon yo, et ben c'est lui-même qui dans groupe sauvé a. Donc Cheikh Lan dit que croyance ça qui est obligatoire pour un monde accroché li à lui-même et pour le mettre col en tête les droites dans croyance ça et pour le faire attention pour ne pas tomber dans l'autre bagaille qui vient en contradiction avec croyance ça. Ensuite, Cheikh Lan commence à expliquer une série de croyances qui sont en opposition avec croyances correctes là, hein, ça qui vient opposer croyances correctes là. Donc Cheikh Lan dit amma al-munharifun an hadhihi al-aqida was-sa'iruna ala diddiha fahum asnaf kathira فمنهم عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرها فهؤلاء لم يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت قريش وأصناف العرب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على الأعداء ويذبحون لهم وينظرون لهم فلما أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أمرهم بإخلاص العبادة لله وحده واستغربوا ذلك وأنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Donc Cheikh Lan lui commence à expliquer et lui dit que en ce qui concerne tout le monde qui déviait de bon croyance ça et qui a suivi ça qui est en opposition avec croyance à bon croyance ça, il y a en pile différents groupes parmi les musulmans, parmi tout le monde qui en pile cap suivre en croyance qui est en contradiction avec ça nous mentionnait dans le début du livre là. Et Cheikh Lan lui commençait par exemple, il dit parmi les gens qui deviennent de bonnes croyances là, c'est il y a des gens qui adoraient, par exemple, idole. Ils ont commencé à adorer idole et ange. Ils ont adoré saint. Ils ont adoré loi ou djinn. Ils ont adoré arbre. Ils ont adoré roche. Ils ont adoré un pile bagaille qui est interdit parce que nous pas le droit d'adorer l'autre, on l'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, créateur. Donc, Cheikh Lan dit, tout le monde sait, qui n'a pas adoré les bagailles, ça, yo, yo pas d'accepter message prophète, yo. Yo opposé et yo contredit message prophète, yo. Même gens, sa tribu prophète, là, t'es fait, les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rivé, pour les arabes, yo, à l'islam, les vins tribu, liens, qui relaient Quraysh, et yo refusé message, liens. Yo rejeté vérité, hein. Hein? C'est comme ça que Arabie a réagi avec prophète Noé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vini Arabie au début, ils étaient qu'on adorait en pile idole, en pile croyance que ils étaient gagnés dans idole ça yo. Ils demandaient yo pour, ils étaient qu'on demandait idole yo pour yo guérir yo. Là, ils étaient malades, ou bien pour yo faire un bagage pour yo, là, ils ont besoin d'un bagage, ils ont demandé idole yo, ou bien là, ils étaient un ennemi, ils ont besoin de demander idole yo pour pour idole yo bay yo la victoire contre ennemi yo et yo te kon sacrifié un animal yo pour idole sa yo ou bien yo fait les yo qui on bagaille besoin yo fait un serment yo sacrifié yo immolé en bête pour yo en échange de on demande que yo bay que yo fait. Donc toute bagaille ça yo prophète là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rivé li vini li wayo li di yo tout ça que n'a fait non les n'a fait bagaille ça yo ça son bagaille qui pas bon qui en contradiction avec la foi et li ordonné yo pour yo purifier toute adoration yo pour Allah seul et pour yo rester adorer l'autre bagaille que yo te kon adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençaient à dire moun sa yo que ça y a pas adoré, c'est faux, que yo pas supposé faire ça. Yo commençaient à étonner, yo commençaient à étonner et yo pas comprendre, hein, yo saisi. Moun yo commençaient à étonner, yo dit mais non. Hein, est-ce que ou a pensé mettre toute idole yo en un seul dieu? Hein, il est venu étonné. Il dit non, son bail est étrange, son bail est étonnant. Et il mentionne verset 5 dans Surat Sad. Donc, ensuite, Cheikh l'a dit Falam yazal, sallallahu alayhi wa sallam, yad'uhum ilallah, wa yunzirhum min ash-shirki, wa yashrahu lahum haqiqata ma yad'u ilayh, hatta hada Allah minhum man hada. ثم دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهلية بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك من أنواع الشرك فلم يعرفوا معنى لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العرب فالله المستعان. Donc qui ça Cheikh l'a expliqué, il dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم continue les moun, hein, l'appeler moun yo pour yo adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et les continuer pour les avertir yo contre le shirk, hein, et les clarifier yo, expliquer yo réalité ça l'a appelé, c'est une réalité message li, hein, les expliquer li jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala guide ça yo jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala guide ça, ça le t'a guidé parmi compagnons. Ensuite, tout le monde commençait à entrer dans l'islam, hein, en groupe. Ils commençaient à entrer dans l'islam en grande quantité, tout le monde commençait à entrer dans la vérité. Et religion Allah subhanahu wa ta'ala commençait à venir apparente et commençait à venir au-dessus de toute l'autre religion, yo. Après, on effort de, yani, de da'wah que yo t'ai fait, qui était consistant et continuel, hein, où yo commençait à comprendre la réalité de l'islam. Et après, on lutte, hein, et on combat qui était très long, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que compagnon, yo. De même que, moun qui t'ai suivi compagnon, premier musulman yo, moun qui suivent dans la vérité, yo continue souvent ça. Hein? Et yo premier musulman yo continue, hein, pour y aurait les moun yo au tawhid et à la réalité de l'islam, jusqu'à ce que, bah, yo commence à changer, hein, état musulman yo commence à changer petit à petit avec le temps, yo commence à venir oublier vrai message là, yo commence à, l'ignorance commence à entrer sous yo, jusqu'à ce que la majorité de musulmans ont commencé Et la majorité de l'humanité commence à oublier réalité, message là, message prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, et majorité commence à tourner dans religion de l'ignorance qui était avant l'islam. Ils ont commencé, hein, là, ce n'est pas idole, ils ont adoré, ce n'est pas idole, ils ont associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est prophète, ils ont commencé à adorer. Et c'est saint, ils ont commencé à adorer, et ils ont invoqué, ils ont un problème, ils ont besoin de bagaille, ils ont relé les prophètes, ils ont invoqué saint, ils ont au secours, ils ont besoin de bagaille. Toute bagaille, toute forme de shirk, ça, ils ont existé, et commencé à entrer dans les musulmans, et dans l'autre peuple en même temps. Et donc, il n'y a pas de comprendre réalité, signification la ilaha illallah, hein, tandis que Kuffar Quraysh, les premiers arabes, l'islam arrivait en premier, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, vite adorer idolio, quitter adoration idolio, il commence à dire, mais non, nous pas qu'à abandonner idol nous, nous pas qu'à dire la ilaha illallah, parce que si nous dit la ilaha illallah, hein, faut nous rester adoration, faut nous abandonner adoration pour idol nous, donc ils ont refusé dit la ilaha illallah. Toutefois, musulmans aujourd'hui, il y a des gens qui dit aux musulmans, et là ou dit que ça a fait c'est cher qui dit non, mais non, nous même nous dit la ilaha illallah, nous pas fait shirk. Mais problème là, c'est que yo dit la ilaha illallah avec bouche yo, sauf que avec action yo, yo fait le contraire de ça la ilaha illallah te signifie. C'est-à-dire que au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, hein, et que yo dit pas y a rien qui méritait d'être adoré excepté Allah, yo fait le contraire, yo commencé à adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a donc son contradiction liée avec témoignage de la ilaha illallah. Donc, ça a son principe. C'est pour nous dire nous que, moun qui était, quand fait shirk, à l'époque prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il était refusé de la ilaha illallah parce qu'il comprend la signification de la ilaha illallah. Tandis que moun aujourd'hui, moun jodia, moun jodi an, le ou di yo di la ilaha illallah, yo di la ilaha illallah, yo pa refuse di la ilaha illallah parmi musulman yo, sauf que gen parmi yo, yo di la ilaha illallah, mais yo pa comprendre sa vle di, yo pa comprendre signification parole là, donc yo continue adorer l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis yo di la ilaha illallah. Donc son contradiction, et c'est peut-être ça Cheikh l'a dit que arabe, premier arabe idolatio à l'époque prophète là, gain dans yo qui comprend signification la ilaha illallah plus que musulman aujourd'hui qui dit la ilaha illallah mais yo pas comprend signification, hein, et yo fait le contraire de sa parole, ça signifie. Donc ça c'est un point important à ce sujet, et t'es gain en pile parmi Africains, les accepté l'islam en Afrique de l'Ouest, côté yoté pour esclavio, t'es un pile qui t'a accepté l'islam. Sauf que l'islam que yoté accepté, un pile qui transformé message islam, ça, il commence à mélanger l'islam avec un paquet de croyances qui n'est pas islamique, il mélange croyances avec shirk, avec bid'ah, avec un pile bagaille qui contraire avec l'islam. C'est peut-être ça, gain un pile où ils commencent à pratiquer bagaille qui en contradiction avec l'islam, au nom de l'islam. Donc c'est peut-être ça, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, les bons sages, les connes qui ça l'a fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage lié, il n'est pas à faire rien pour rien. Hein? Tout ça qui est arrivé, t'es grand sagesse là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas puni au monde pour rien. tout s'arrive qu'on sagesse là-dedans. Mais bon, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et tout le monde qui est sincère, qui voulait connaître la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala guide. Donc, Cheikh l'a dit ensuite, ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد العهد بعصر النبوة. Cheikh l'a dit que shirk n'a comment continué, toute religion shirk, un cap fait shirk associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben ça a continué répandre parmi tout le monde aujourd'hui, hein, à cause de l'ignorance qui est répandue de tous côtés, et étant donné que nous très loin de plus en plus de l'époque prophète là sallallahu alayhi wa sallam, donc il y a monde qui vient de plus en plus ignorant et pas qu'on réalité islam là, et donc il y a un pile shirk qui répand, et shirk là pas by tout exemple, il était par exemple de monde qui a adoré l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les saints, mais il y a un autre exemple tout, parce que il y a des gens qui croient dans la magie, il y a des gens qui croient dans l'horoscope, il y a des gens qui croient dans le talisman, porte-bonheur, il y a des gens qui croient contre l'avenir, ben, ça, tout ça, tout ça, tout ça, entré dans le shirk. Tout ça, c'est le shirk. Et un monde qui est entré dans le bagage, ça, eh bien, les quitter l'islam, la pratique est bagasse. Ensuite, Cheikh l'a dit, wa shubhatu ha'ula al-muta'akhirin fi hadhi hiya shubhatu al-awwalin wa hiya qawluhum ha'ula shufa'a'una 'inda Allah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa qad abtala hadhihi ash-shubha قد أبطل الله هذه الشبهة وبين أن من عبد غيره كائنا من كان فقد أشرك به وكفر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فرد عليهم سبحانه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غير الله أو أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم هي الشرك الأكبر وإن سماها فاعلوها بغير ذلك. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فرد عليهم سبحانه بقوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأبان بذلك سبحانه أن عباداتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كفر به. وأكذبهم في قولهم أن آلهتهم تقربهم إليه زلفى. دونك شيخ لا دي كو gain on l'autre chubha, on l'autre argument, fausse argument que idolâtrie utilisée aujourd'hui, hein, pour justifier l'idolâtrie qu'il a fait, il a adoré saint. Il a utilisé un argument et il dit que, par exemple, hein, il dit que faux argument qu'il a utilisé aujourd'hui, hein, c'est même faux argument qu'il a utilisé à l'époque prophète là. Sallallahu alayhi wa sallam. Et argument ça qui s'allie, c'est que moun que y a pas adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a essayé de dire que Mounsayo, c'est intermédiaire que yo yé entre yo-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Que yo intercesseur entre yo-même et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'a mentionné au verset qui est qui dans Surat Yunus, le verset 18. Hein, il dit, Ha'oula et Shufa'a'oula indallah. Ils disent, Mushrikoun yo, idolat yo, yo te kon di, ça n'a pas doré, ou idol yo que n'a pas doré, c'est intercesseur yo yé entre nous-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala. Yo intercédé auprès d'Allah pour nous. Hein? Donc ça c'est le même argument que idolat yo a te kon utilisé avant et yo moun kap fait shirk jodi an, yo utilisé même excuse ça, même argument ça. Il a essayé fait quoi? Hein? Il a essayé dit que saint yo et loyo et zangio ou bien zab ou n'importe qui l'autre bagaille idole que il a adoré. Il a dit mais nous pas adorer ça. C'est pas bon ça que nous croyons que yo crée l'humanité, yo crée le monde, le ciel et la terre. Non, nous utiliser bagaille ça yo pour yo intermédiaire ou intercesseur entre nous-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour yo intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est excuse yo. Ensuite, il mentionne dans l'autre verset qui dit "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." C'est le verset 3 dans sourate Az-Zumar. Et bien, dans verset ça, idolat yo dit non, nous pas, il dit, nous pas adorer, excepté, nous adorer, excepté pour rapprocher nous de Allah, pour rapprocher nous plus près de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est une excuse que yo baille encore, un argument que yo a utilisé, où yo dit que yo utilisé idol yo pour rapprocher yo auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même Mouchrikin Jodian, yo utilisé même, excuse ça, il dit non, c'est pour nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala que n'a adoré ou que n'a prié saint et que n'a prié l'autre être que Allah pas permis nous pour nous adorer. Même genre avec mon cap adorer djinn ou loi ou l'autre bagaille, il dit nous passer par nous-mêmes pour nous rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh l'a ensuite dit mais Allah t'a détruit argument ça et lui clarifier que tout le monde qui adorait autre que lui-même, hein, ou l'autre que lui-même, peu importe qui est lié, peu importe qui s'allie, si on monde adorait autre ou l'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui rejeter la foi. Son mushrik lié, son kafir lié, son mécréant lié. Et lui mentionner le verset 18 dans Surat Yunus, qui dit et yo adoré en dehors d'Allah ça qui pas qu'à lui et qui pas qu'à profiter yo, hein, yo adoré ça qui pas qu'à aider yo, ça qui pas qu'à lui yo adoré yo, et yo essayé dit que c'est intermédiaire yo est auprès d'Allah. Et Allah répond à argument ça juste après et lui dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis mouchrikino, répondez-vous, est-ce que nous pourrons dire Allah, ça ne le pas connaît, dans les cieux et sur la terre? C'est-à-dire, est-ce que vous pourrons informer Allah de ça qui pas existé, hein? Parce que Allah n'a pas intermédiaire parmi la création. Il n'a pas intercesseur parmi la création pour nous adorer à travers eux, hein? Il n'a pas établi aucune barrière comme ça. Ça, c'est un mensonge. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Hein? C'est-à-dire, ni dans les cieux, ni dans la terre, il n'est pas établi en intermédiaire entre lui-même et l'humanité dans l'adoration. Donc, Allah purifie, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il purifie peut-être de ça et a associé avec lui dans l'humanité, dans l'adoration. Donc, toute bagaille, ça, je dis, ça c'est un bagage qui faux, il n'est pas existé, il n'est pas vrai. Et ensuite, il mentionne un autre exemple, les mounyapes, il dit qu'il n'y a pas adoré parmi prophètes et saints yo, et après c'est dit que yo adoré prophète et saint yo, hein. Verset ça, il expliquait que c'est shirk qu'il a fait, et son shirk majeur qui fait yo quitter l'islam. Si yo fait, même si yo relèl par en l'autre nom, même si yo relèl en l'autre nom, même si yo pavle relèl shirk ou idolâtrie, hein, mais son idolâtrie liée quand même, hein. Même si on dit non, nous prions Jésus, c'est pas idolâtrie liée, mais oui, c'est une idolâtrie liée, parce qu'on va pas adorer un être humain. Si on va prier Marie, Jésus, on va prier croix, on va prier statue, on va prier loi, on va prier saint, c'est une idolâtrie qu'on va faire. Parce que c'est seulement Allah pour adorer. L'idolâtrie, c'est pas seulement là où on a prosterné devant une statue. L'idolâtrie, même si vous priez en l'autre monde que Allah subhanahu wa ta'ala, même si vous n'avez pas fait statue avec lui, mais vous adorez, ben son idolâtrie vous fait. Ce n'est pas juste en idole, en statue que vous sculptez, ou formez, en forme d'être humain ou animal, hein, et vous priez lui, vous priez devant lui. Ça c'est chef, non? C'est pas seulement ça. Ça a son forme de shirk, mais il y a l'autre forme de shirk tout. Il y a l'autre forme d'idolâtrie tout. Hein? Si vous n'avez pas adoré un monde, ou un animal, ou une chose, et ou pas fait un statut avec lui, mais son shirk quand même. Donc ça, c'est un bail que Allah SWT a clarifié dans le verset ça. Ensuite, il mentionne l'autre verset qui dit, et il prend associé, il n'a pas adoré l'autre avec Allah SWT, mushrikun yo, idolatio, yo, hein, yo prend allié avec Allah subhanahu wa ta'ala, y a pas adoré yo, et yo dit c'est pour yo rapprocher nous de Allah, c'est pour yo rapprocher nous plus de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est verset 3 dans surat Az-Zumar, et juste après Allah subhanahu wa ta'ala répond argument ça yo, et argument yo, et il dit, il réfute yo, et il dit Allah subhanahu wa ta'ala pourra le juger entre eux-mêmes au sujet de sa yoté divergée là-dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas guidé un peuple si, ou n'a pas guidé un monde qui menteur et mécréant. Kadhib un kafar. Donc, là, dans le verset ça, il clarifie que tout le monde qui a adoré, qui a invoqué, qui craint ou qui espérait en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, même gens que Mounsa yote kon fait à l'époque prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, sont mécréants liés, li font un acte de shirk et de kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que ces menteurs yoyés, les yot dit que idole yot ka rapproché yot de Allah subhanahu wa ta'ala plus. Donc, tout bagage yot entré dans croyance qui shirk et qui kufr. Donc nous pourrons arrêter ici, nous pourrons stopper là, Inch'Allah, nous pourrons continuer la semaine prochaine, non? Ou bien la prochaine fois. Là, nous avons le temps pour nous terminer le livre là, Inch'Allah. Probablement que nous pourrons faire un autre coup, puis nous pourrons terminer le livre là, parce que paraît en pile. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.